les frères Montgolfier. Un champ, ou plutôt un terrain champêtre. Sur ce terrain, d'énormes enveloppes colorées étendues à terre comme des peaux de baleines mortes. Et autour de ces enveloppes, des hommes s'affairent, des hommes visiblement passionnés. Ce sont les pilotes du club des Montgolfières d'Annonay dans l'Ardèche. Parmi eux, Xavier de Montgolfier, descendant des célèbres inventeurs. Que faites-vous en ce moment, monsieur ? Alors là, on est en train de préparer une montgolfière pour son envol. C'est au moyen d'un brûleur alimenté par du gaz propane. La flamme du brûleur s'allume, ça fait une détonation assez forte et on a une flamme de 5-6 mètres qui rentre dans l'enveloppe du ballon pour chauffer l'air. Alors là, le brûleur est en haut. Là, le brûleur est en haut. Le brûleur est en haut. Par petits coups, l'air se réchauffe. Et le ballon commence à se lever du sommet. Le sommet est retenu par un membre d'équipage qui tient une corde de couronne pour que le ballon ne monte pas trop vite. Le ballon est en train de se redresser et il va venir en position verticale. Voilà, l'équipage est prêt. Notre reporter Jean-Claude Jean aussi. Nous prenons place dans la nacelle avec Xavier de Montgolfier et le pilote. Il est 3h15, on est parti. Le ballon décolle, comme le temps est très très calme, on décolle tout doucement. Dans la nacelle, quelques appareils de navigation, un variomètre qui contrôle la vitesse de montée et de descente et un altimètre pour mesurer l'altitude. Nous sommes maintenant à quelques dizaines de mètres de hauteur. Nous voyons le terrain s'éloigner lentement. Les hommes, en bas, rapetissent. Nous sommes des géants, grâce à cette fantastique invention du XVIIIe siècle, due au génie de deux hommes, les frères Montgolfier. Et puisque nous sommes sur les lieux mêmes de la découverte, redescendons un instant sur Terre, en esprit du moins, pour visiter cette papeterie historique en compagnie de la conservatrice du musée, Madame Marie-Hélène Reynaud. Donc là, nous sommes au rez-de-chaussée. Vous avez bien sûr tout de suite les bustes d'Étienne le cadet et de Joseph Montgolfier, les inventeurs du ballon. Ils n'étaient pas petits ici, mais ils ont quand même ardemment travaillé tous les deux à l'invention du ballon, qu'ils ont fabriqué dans le sous-sol de cette maison. Nous allons descendre là également où ils fabriquaient leur papier. C'était une famille de papetiers, une famille nombreuse, et qui était très tourné vers, j'allais dire, les Lumières. Étienne avait fait des études à Paris, il avait pour amis des gens comme Lavoisier, connaissait Benjamin Franklin, mais ici, en Ardèche, en Vivarais autrefois, c'était des papetiers. Donc l'un complétait l'autre, mais le ballon n'est pas l'objet de leur travail. Le ballon fut simplement une idée qu'ils mirent en pratique. Alors, c'est ici, donc, qu'était trituré le chiffon pour le transformer en pâte à papier à l'aide d'eau. Et de gros maillets faisaient fonction, je dirais, de mixeurs. Et il y avait un vacarme épouvantable, puisque là, vous avez une seule batterie de maillets. Mais il y en a eu jusqu'à 40 dans cette pièce. Vers la fin du XVIIIe siècle, la France s'intéresse surtout à la philosophie et aux sciences. On se dirige à grands pas vers l'industrialisation. On voit apparaître les hauts fourneaux, les expériences de physique, de chimie. On découvre l'hydrogène. Et au milieu de toutes ces lumières, subsiste un rêve, un vieux rêve de l'homme, pouvoir voler. On y pense beaucoup. On dessine des engins ahurissants, des barques volantes. Mais ce sont les frères Montgolfier qui comprennent les premiers que pour qu'un engin vole, on doit utiliser des matériaux légers. L'idée de cette invention, c'est Joseph qui l'a eue, d'après l'histoire. Mais il y a aussi les légendes. Il y a des légendes, et puis il y a la réalité. Des légendes intéressantes. Une des légendes dit que lorsqu'il avait à peu près 20 ans, et qu'il herborisait dans le massif du Pilat, il avait aperçu une jeune bergère, Séraphine, qui faisait des bulles de savon. Il s'est approché d'elle, elle s'était mise à pleurer, et elle lui avait expliqué que sa maman étant décédée, elle faisait des bulles qui portaient ses baisers vers le ciel, et Joseph lui aurait promis de faire un vaisseau volant pour aller embrasser sa mère. La seconde légende veut que Joseph ait fait réchauffer une chemise au-dessus d'un feu pour son épouse, qui était enrhumée, et cette chemise se serait élevée vers le plafond. Bon, alors peut-être a-t-il vu se soulever les pans d'une chemise, mais il n'est pas possible qu'elle soit élevée vers le plafond. Et la troisième version, qui est la réalité, nous sommes en novembre 1782, Joseph est à Avignon pour son commerce, il fait froid, il y a un feu de cheminée, il lit le journal, et sur le journal, on relate le siège de Gibraltar. Et son œil glisse du journal vers la cheminée, il se dit qu'on pourrait entrer dans Gibraltar uniquement dans les airs. Il voit la fumée qui s'élève et dit « Pourquoi n'emmagasinerait-on pas cette fumée pour en faire une force disponible ?» Et immédiatement, il confectionne un petit cube. Il demande à sa logeuse de quoi le faire. Il le met au-dessus de la flamme, il s'emplit d'air chaud et grimpe vers le plafond. Je ne sais pas si vous imaginez la tête de la logeuse qui a vu voler déjà un objet. Et quel cube ? Un cube en quoi ? En tissu. En taffetas. Et alors, Joseph écrit donc à son frère Étienne, qui est ici, à Vidalon, « Prépare des provisions de taffetas et de cordages, et tu verras une des choses les plus merveilleuses du monde. » Et la première expérience, on peut dire vraiment réelle, a lieu dans la cour de cette papeterie, le 14 décembre 1782. C'est le départ de la conquête de l'air et de l'espace. Le ballon s'est élevé, a traversé la rivière et a atterri sur un coteau. Deux autres essais vont suivre, dont un de nuit qui affole les populations car le ballon est lâché avec une lanterne et les habitants croient voir dans le ciel une manifestation du diable. Les frères Montgolfier calculent, modifient, adaptent sans cesse et ils pensent que leur invention ne pourra être prise en considération que si les autorités officielles assistent à une expérience. Et ils choisissent le 4 juin 1783, jour où se réunissent à Annonay les députés du Vivarais. Alors, comment se passe cette journée mémorable ? Alors, cette fameuse journée n'a pas très bien commencé, parce que le ciel était assez maussade. La pluie, non seulement va refroidir le ballon, mais de la pluie sur du papier, ça va le réduire en pâte. Alors, pour éviter que l'air chaud se refroidisse trop vite, au moment du décollage de leur ballon, eh bien, ils ont bricolé un réchaud qu'ils ont attaché sous le ballon de façon à maintenir de la chaleur. Puis le ballon s'est gonflé, le ballon est parti, et il a volé. Il a atterri dans une vigne et les paysans n'étaient pas au courant. Donc le ballon s'est couché sur le réchaud et ils n'ont pas eu le réflexe d'aller éteindre immédiatement. Si bien que ce premier ballon a brûlé, comme beaucoup d'autres par la suite, mais c'était une réussite. Et oui, c'était une réussite. Un engin terrestre avait volé. Il s'était élevé dans les airs par la réflexion, le génie et le travail de deux jeunes fabricants de papier du Vivarais. Qui étaient ces garçons ? Joseph était un autodidacte. C'était quelqu'un qui préférait l'expérience à la théorie. Donc très jeune, les études classiques l'embêtaient. Si bien qu'il ait tendance à fuir un peu de l'école pour se livrer à ses expériences personnelles. C'était par contre un très très bon mathématicien, même s'il avait quelques lacunes en orthographe. Il était tout à fait apte à lire des ouvrages scientifiques. Mais je dirais c'est un peu le professeur Tournesol, c'est un génie. Étienne a fait ses études à Paris. C'est un esprit très éclairé qui avait des amis comme plus tard Benjamin Franklin qui avait connu Lavoisier. Donc Étienne est réellement un intellectuel, un architecte qui a travaillé avec Soufflou. France Inter, Chronique sauvage, Robert Arnault. Et hop, nous revoici dans les airs. Nous retrouvons dans la nacelle l'équipage de la montgolfière. Vous voyez qu'on est très vite à une altitude de 100 mètres, mettons, que rien ne bouge, que c'est super calme, que vous avez une vue à 360 degrés, que c'est bien supérieur à toutes les vues que vous avez d'hélico ou d'avion, parce que vous êtes dans un observatoire extraordinaire. Donc la montgolfière est une bulle d'air qui se met dans le lit du vent et qui va à la vitesse du courant dans lequel elle est. On ne peut changer de direction qu'en essayant de monter ou de descendre pour trouver de nouveaux courants qui vont vous emmener à 10, 15, 20 degrés. Quelquefois même, on arrive à trouver des courants qui vous ramènent au terrain de décollage. D'accord. Pierre-Paul Cavatta, vous êtes le pilote de cette montgolfière. Oui. On ne sait pas du tout où on va. Pas du tout. On est au gré des vents, là, et en fonction des altitudes, on se cale un peu sur le courant. On arrive à faire quand même un peu ce qu'on veut, hein. Quand on maîtrise assez bien, on arrive quand même à choisir un peu sa direction. Hein. Comme actuellement, à corriger plus ou moins. Ouais, là, on a des vents francs. Vous voyez, comme aujourd'hui, par exemple, on peut se diriger. On voit, il y a une fumée tout à fait, vous voyez, dans le creux, là. Donc, on a une fumée qui... Vous indique le vent au sol. Le vent au sol. Donc, c'est une tendance de vent du nord. Et donc, pour nous, sur Annonay, c'est un des meilleurs vents, quoi. Laissons de nouveau les navigateurs pour revenir un moment sur Terre et au XVIIIe siècle avec les frères Montgolfier. Car bien entendu, tout ne s'est pas fait du premier coup et aussi facilement. En 1783, pour faire décoller un ballon, on doit se livrer à des calculs savants. Il faut faire des calculs et ils ont fait des calculs très poussés pour arriver à trouver comment cet objet devait s'élever, de quelle façon, quel était le poids de l'engin par rapport au pouvoir ascensionnel du gaz. Ils n'avaient peut-être pas toutes ces idées en tête, mais ils ont fait des études et ils ont travaillé d'arrache-pied là-dessus. Donc ça n'a pas été simple et je vous assure quand on prend leur page de calcul, il faut de nos jours être un bon mathématicien pour suivre. Et les tables trigonométriques de Joseph, écrites de sa main pour s'en rappeler quand même, ou tous les calculs avec les racines cubiques de l'un ou de l'autre, ce n'est pas à la portée de n'importe quel bachelier aujourd'hui. Après le succès du 4 juin 1783, on parle beaucoup, évidemment, de cette expérience. Les rumeurs vont bon train et montent jusqu'à Paris. Les journaux racontent, commentent. Étienne a signalé l'invention à l'Académie des sciences. Mais l'Académie ne croit pas les inventeurs sur parole. Il faut voir. Alors, Étienne Montgolfier vient à Paris. Il loge chez Réveillon, son ami, et fabricant de papier peint. Et ensemble, ils fabriquent une montgolfière. Et le 12 septembre 1783, le ballon décolle devant les académiciens ébahis. Mais un orage terrible endommage le ballon. Or, c'est 5 jours après que l'expérience doit être présentée au roi à Versailles. Qu'à cela ne tienne, Étienne Montgolfier et les ouvriers de Réveillon se mettent au travail nuit et jour, et le 19 septembre, un nouveau ballon est en place à Versailles. Est-ce que ce ballon est très différent du premier ? Le premier ballon, donc, avait de Paris. Le chiffre du roi, c'est-à-dire 2L entrelacés, qui était peint. Et comme Étienne a dû en faire un autre pour l'expérience de Versailles, on a en fait un ballon qui est différent, mais toujours avec cette peinture des ailes entrelacées. Mais celui de Versailles était beaucoup plus coloré. Et il emmenait les premiers êtres terrestres, c'est-à-dire un coq, un canard et un mouton. Parce qu'effectivement, le ballon volait tout seul, mais il fallait aller plus loin. Il fallait aller plus loin. Le but était que l'homme vole, mais avant que l'homme ne vole, fallait-il encore s'assurer que des êtres terrestres pouvaient aller plus haut que le plancher des vaches. Donc, au départ, ils avaient prévu des animaux légers, mais quelques incrédules pensaient qu'un coq et un canard ayant des ailes, ça ne prouverait rien, donc on a rajouté un mouton. Et pour être sûr que Montgolfier ne changerait pas à l'arrivée, tous ces animaux étaient dans une cage à claire-bois, de façon à bien s'assurer qu'il n'y aurait pas un changement au cas où ils seraient passés de vie à trépas en l'air. D'accord. Ils ont atterri et les animaux étaient toujours vivants. Les animaux étaient toujours vivants, très bon état. Et le premier qui a pu les réceptionner, parce qu'on suivait à cheval, il fallait suivre le ballon, était un jeune physicien, Pilâtre de Rosiers, qui tout de suite va avoir envie de s'élever et va à la fois épauler Étienne Montgolfier dans son travail, mais également le supplier pour être un des premiers à voler. Entre une expérience avec des animaux et une expérience avec des hommes, il y a un abîme. Mais dans l'esprit des Montgolfiers, il n'y a aucun doute, l'homme peut voler. Étienne propose même d'être le cobaye. Mais comme il est cardiaque, son père le lui interdit. Et puis, il y a l'opposition. Beaucoup de gens pensent que si Dieu avait voulu faire voler l'homme, il lui aurait donné des ailes. Quant au roi, il n'est pas contre cette tentative, mais il préconise de placer dans la nacelle non pas des savants, mais des criminels qui pourraient être graciés en cas de succès. Voilà, on en est là, pendant qu'Étienne, sans s'émouvoir, prépare une autre montgolfière beaucoup plus grosse. Alors, comment en est-on arrivé à l'expérience humaine, Jacques Delaveau ? À ce moment-là est apparu un autre personnage, un autre héros de cette époque, c'est le marquis d'Arlandes, qui était un officier, qui s'ennuyait fort de ne pas avoir de service et de conquête à faire. Et alors il a réussi à se faire recevoir par le roi, lui dire comment il n'est pas possible que ce soit des criminels qui fassent cette première expérience extraordinaire pour le développement de l'humanité. Nous sommes nombreux à vouloir prêts à périr pour le roi et je propose ma vie pour faire expérience. Alors finalement, le roi a accepté et l'expérience a eu lieu. Oui, l'expérience va avoir lieu, mais ce ne sera donc pas Étienne le premier homme volant. Ce sera François Pilâtre de Rosier, professeur de physique et de chimie à Reims, qui a réussi lui aussi à obtenir cet honneur. Et il sera en compagnie du marquis d'Arlande, major d'infanterie. Ils doivent prendre leur départ, non pas à Versailles, mais au château de la Muette, chez Madame de Polignac, gouvernante des enfants royaux. Pourquoi, Madame Reynaud ? C'était clair. En cas de vol couronné de succès, le roi était très bien représenté par ses enfants. Mmh. Si c'était un échec, il n'était pas là, il ne l'avait pas cautionné. Et il faut quand même dire que ces deux hommes qui sont partis le 21 novembre 1783 avaient un courage extraordinaire. Je ne sais pas si beaucoup de nos jours partiraient dans un ballon essentiellement de papier et de toile avec un réchaud et un feu de paille en dessous. Parce qu'en vol, ils alimentaient le réchaud avec de la paille. Ils avaient une fourche et de la paille chacun dans leur panier. Et en fait, ils sont partis de la Muette et ils sont arrivés où ? Ils sont arrivés à la Butte aux Cailles. Bon, c'est dans le secteur de la place d'Italie actuellement, mais c'était la campagne. Il y avait des moulins, le moulin vieux, le moulin des merveilles et le moulin de Coulbarbe. Donc, ils ont attiré entre deux moulins. Il est difficile de décrire l'ampleur de cet événement. Tout Paris est dans les rues pour voir voler des hommes. Les gens s'entassent sur les toits, sur les tours de Notre-Dame. On les appelle, on crie, on chante. L'homme vole ! L'homme vole ! Pilâtre de Rosier et d'Arlande deviennent en quelques heures des héros nationaux. Et nous remontons dans les airs pour rejoindre les successeurs de Pilâtre de Rosier. La montgolfière du club d'Annonay semble quand même beaucoup plus sûre. Alors vous voyez que le paysage est magnifique. Nous sommes donc à Annonay, une altitude de 400 mètres environ au-dessus de la vallée du Rhône, que nous avons à l'est. Et nous avons la chaîne des Alpes qui émerge de la brume avec tous ses sommets enneigés. Et nous sommes à 1h30 de Grenoble. Alors la conversation est entrecoupée par des bruits de brûleur, pourquoi ? Parce qu'il faut maintenir le ballon, surtout en montgolfière, il ne faut pas être distrait. Parce que le ballon peut décrocher très vite, comme il peut monter très vite d'ailleurs, mais c'est une des règles principales, il ne faut surtout pas être distrait. Parce que en altitude, on n'a pas trop de problèmes, mais dès qu'on vole bas, on peut être confronté à pas mal de problèmes. Notamment pour les pilotes, c'est surtout les lignes électriques. Donc chaque fois qu'on voit un grand pylône comme ça, on cherche l'autre pylône pour savoir dans quelle direction va la ligne et être sûr, si on est assez bas, de pouvoir monter pour sauter la ligne à une certaine distance. Et vous voyez qu'on va relativement doucement. Et qu'à des moments, on a l'impression que le ballon ne bouge plus parce qu'on est sans courant d'air. Alors le pilote, à ce moment-là, choisit de monter un peu, de descendre un peu, pour voir s'il trouve un courant d'air qui le déplace. Actuellement, on part un peu sur la ligne. Touche torse 5, pour l'instant, on prend légèrement la direction du barrage de Vidalon. Ok, reçu. On entend les vaches. Les vaches n'aiment pas trop les montgolfières. Alors les animaux en général ont peur des montgolfières parce que le brûleur émet des ultrasons que nous n'entendons pas mais qu'eux entendent et ils ne savent pas d'où viennent ces bruits un peu extraordinaires. Comme ils ne voient pas au-dessus d'eux tellement, ils sont paniqués. Donc on a souvent des problèmes avec les éleveurs car il faut passer à une certaine altitude au-dessus des troupeaux pour ne pas les affoler. Mais je dirais que dans la région d'Annonay, les animaux sont habitués maintenant. Oui. On vous tire pas dessus ? Non, on s'est fait tirer dessus, je me suis fait tirer dessus, moi, au début, tout début, un jour d'ouverture de chasse. J'étais un peu trop près des terrains de chasse et on faisait partie de le gibier devant nous. Donc on a eu des plombs dans l'enveloppe. Redescendons sur Terre pour assister à l'euphorie des frères montgolfiers. Après le premier vol humain, le ballon devient une folie. On en parle, on écrit des poèmes, des chansons, on vend des objets en forme de ballon, on peint, on caricature, on ne voit que la montgolfière. La montgolfière devient un spectacle. À la suite de cet engouement, les frères montgolfiers ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Joseph a été appelé par l'intendant de Lyon qui veut organiser un vol humain collectif dans un énorme ballon. Et les frères montgolfiers fabriquent ce ballon. Voilà, ça va être un monstre qui va voler en janvier 1784. Bon, je vous dis un monstre, parce que si vous voulez, il a la hauteur d'un immeuble de 17 étages quand même. Toujours fait en papier. Il le fabrique en plein hiver à l'extérieur. Et à la crainte de Joseph et des de ses frères, Jean-Pierre, le chanoine Alexandre Charles, Maurice Augustin, sa crainte est qu'un jour, ce ballon ne soit gelé. Et c'est ce qui se passe. Une nuit, il neige, et il gèle au petit matin, et le ballon est recouvert d'une carapace de glace. Donc il le fait dégeler à petit feu, mais quand même la flamme va un peu plus haut que prévu, et une partie du ballon brûle. L'expérience est proche, donc il le fait recoudre un peu, mais enfin il sait qu'il y a de gros trous. Et ce ballon qu'il avait prévu pour transporter au départ 40 personnes, il avait même eu l'idée de faire Lyon-Paris en se disant si on pouvait, on pourrait peut-être obtenir quelques subventions, parce que il faut dire que le pouvoir quand même applaudissait, mais ne donnait pas des espèces sonnantes et trébuchantes. Les montgolfiers étaient en train de se ruiner. Alors Joseph dit non, on ne pourra pas partir à 40, il devait partir à 6, il dit oh, il vaudrait mieux qu'on ne parte qu'à 2. Pilâtre et moi, car Pilâtre était venu de Paris. Mais ceux qui devaient partir sont furieux. Il y en a un qui sort son pistolet et qui veut se griller la cervelle. Un autre, avec son épée, fait des moulinets et menace de tuer les autres. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui se glisse subrepticement dans la nacelle. Ça sera le premier passager clandestin. Et ils vont donc partir à 7 dans ce flécel, dont Joseph Montgolfier, qui lui va faire un vol libre. Et ils atterriront un peu plus loin à Lyon. Et ce ballon, je veux dire, ce monstre a volé. En même temps, à peu près un peu avant, il y avait d'autres savants, Charles, qui étudiaient le développement de l'hydrogène, qu'on ne savait pas encore produire en grande quantité. Et il avait réussi à faire un ballon qu'il a gonflé à l'hydrogène et qui est parti sans personne, qui allait atterrir à Gonesse, au nord de Paris. Et c'était déjà la rivalité qui commençait entre la montgolfière et les ballons à gaz. C'est la surenchère des exploits dans les airs. Et Pilâtre de Rosiers veut rester le pionnier. Oui, c'était quelqu'un de particulier, de très courageux, et qui va se lier d'une amitié très profonde avec Étienne Montgolfier. Et Pilâtre de Rosiers va même faire voler des ballons d'Étienne lorsqu'Étienne sera revenu en Vivarais. Il va être celui qui va tenter la traversée de la Manche, de la France, vers l'Angleterre. Et il avait compris qu'il fallait varier en altitude pour utiliser différents courants, mais comment faire? Il avait donc combiné une aéromontgolfière, qui était en haut un ballon à hydrogène, en bas une montgolfière avec un brûleur. Il savait que c'était dangereux, que si la flamme était trop haute, tout allait exploser. Il avait écrit Étienne Montgolfier, qu'il avait supplié de ne pas partir, mais pour construire son ballon, il avait eu des fonds publics. Donc il fallait bien prouver quand même qu'ils étaient bien utilisés. Et Pilâtre, en juin 1785, est parti près de Boulogne. Et la flamme a très vite léché le ballon à hydrogène. Du sol, on a vu une flamme violette. et le ballon s'est écrasé et Pilâtre est mort avec son passager. Il a le triste record d'être le premier homme à s'être élevé en ballon libre et il est aussi la première victime de l'air. France Inter, Chronique sauvage. Rediffusion du 10 février 1996, Les frères Montgolfier. Quelle est notre altitude ? Environ 300 mètres, et vous voyez qu'à cette altitude, comme le vent n'est pas directionnel, nous avons trouvé un autre courant qui nous ramène un peu dans la direction du terrain de décollage. Ça s'appelle un retour au bercail. Alors c'est assez amusant d'arriver à choper des courants qui vous ramènent. Alors suivant l'altitude, on peut trouver un courant qui nous emmènera peut-être plus sur, à l'est ou à l'ouest, parce que les vents ne sont pas forts et pas directionnels. Est-ce qu'on peut décrire le ballon en vol ? Le ballon en vol, en quelques mots, c'est une bulle qui avance à la vitesse du vent. Par contre, vous n'avez pas de problème avec les oiseaux Non, pas du tout. Et puis le bruit du brûleur les éloignerait de toute façon, hein. Sans problème. Vos seuls problèmes réels, ce sont les lignes à haute tension. Les lignes à haute tension, oui. Et les clochers. Et les clochers, bien sûr. Et Pierre-Paul, dans ses premiers vols, a décroché le coq du clocher de Saint-François. Et ça a été une histoire assez rocambolesque pour le maître. Il a fallu appeler des échelles venant de Lyon. Pour mettre ça en place. Oui, ballon canchon à autre ballon inconnu. Pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît ? Ils doivent voler parce qu'ils sont à 3200 mètres. Si ça se trouve, ils sont sur les Alpes. Hein. Les ballons qui sont actuellement en France. Du ballon Châteaudet, bonjour. Châteaudet. Bonjour Châteaudet, ballon Canson à Nenay. Nous volons avec le président Xavier de Montgolfier et c'est le pilote Pierre-Paul Cavata sur Canson. Alors, je te souhaite un bon vol chez nous. C'est magnifique. C'est une altitude de 3300 mètres au-dessus des Alpes. C'est formidable. Eh bien, c'est super. Nous, on est au sud à Nenay. Il fait très beau aussi. Très peu de vent. C'est très bien. Après ces heures de gloire, curieusement, la Montgolfière va être délaissée, presque reléguée, car le public a été un peu déçu. En réalité, il attendait que l'on puisse se diriger en Montgolfière. Or, on ne peut pas, on reste le jouet du vent. Et puis, étaient arrivées d'autres inventions, et notamment le ballon de Charles, gonflé par l'hydrogène. C'est dangereux, mais cela offre plus de possibilités. En tout cas, ce sont ces ballons qui vont servir de plateforme d'observation pendant les guerres révolutionnaires. En 1792, on fonde la Compagnie des aérostiers. Pourtant, Napoléon, lui, abandonnera le ballon par manque de mobilité. Et pendant ce temps-là, que sont devenus les frères Montgolfier ? Oh, ils vont avoir des destins différents. Étienne se lance dans la politique et mourra relativement jeune, à 54 ans. Joseph deviendra un savant très connu et sera démonstrateur au Conservatoire des Arts et Métiers. Il mourra à 70 ans. Entre-temps, la famille Montgolfier avait été anoblie par le roi Louis XVI, moins pour l'invention d'Étienne et de Joseph que pour l'essor que les papeteries Montgolfier avaient donné à cette industrie. Le ballon sera oublié pendant plus d'un demi-siècle. Et puis il réapparaît au moment de la Commune. Pendant le siège de Paris, on se sert du ballon pour communiquer avec la province. Gambetta quitte Paris de cette manière. Et puis de nouveau, le ballon disparaît, presque un siècle. Et il revient en 1960 avec les brûleurs à propane et les matériaux légers des enveloppes. Le premier acquéreur d'une montgolfière moderne en France fut certainement le comédien Christian Duvalex. Et nous, aujourd'hui, nous survolons Annonay. Et nous redescendons lentement, sans bruit. Nous sommes à une centaine de mètres d'altitude. Là, on est en plein au-dessus de la vallée de la Deume. Avec peu d'air, comme ça, on peut atterrir n'importe où. Dans un mouchoir de poche, pourvu qu'il y ait assez d'espace pour affaler le ballon. Parce que le ballon fait quand même 25 mètres de haut. Donc il faut un terrain relativement grand pour ne pas le déchirer. Mais comme c'est calme, on peut atterrir sur un œuf sans l'écraser. Ah oui. Alors que si vous avez du vent, 30 km à l'heure, vous tapez et le vent met votre ballon plus ou moins en spi et vous traîne sur le terrain tant qu'on n'a pas réussi à vider vraiment le ballon pour qu'il arrête sa course sur un champ de labour. C'est Jean Vert. Bonjour Jean. C'est Jean Vert. Ouh. Là. Ça pousse. C'est 365 Bruno, on est au-dessus de Vore et on se positionnera derrière, je sais, peut-être dans Vore si on peut. Hein. À une époque où plus rien ne nous étonne, où l'exploit est quotidien, que représente la montgolfière? Est-ce le seul engin intact et opérationnel du siècle des Lumières? Est-ce un sport, un loisir pour amateurs passionnés? Quelle est la place de la montgolfière, image de la poésie, à l'ère de la fiabilité et du rendement? Ce qui a été d'un grand secours pour les montgolfières, c'est un sport très cher, c'est que beaucoup ont pu trouver des sponsors. Et alors des sponsors à publicité pour ceci ou cela ou tel produit. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut arriver à faire les montgolfières à la forme qu'on veut. C'est pas du tout forcément en rond. Hein. On fait des formes extraordinaires et donc ça convient à certaines publicités qui sont particulièrement voyantes et intéressantes à montrer dans le ciel parce qu'elles montrent partout la forme du produit qu'on veut faire connaître. En 1983, date du bicentenaire de l'exploit des montgolfiers, on a commémoré l'événement de façon grandiose, par des festivités qui ont duré 15 jours à Annonay. Et depuis, tous les ans, à la même époque, on perpétue la tradition. Nous avions fait à l'époque 3 montgolfières qui existent toujours, et qui nous servent toutes les années d'ailleurs pour faire cette reconstitution historique. En costume, nous déployons cette montgolfière le premier week-end de juin. Puis nous allons sur la place des Cordeliers, après avoir fait un circuit autour de la place. Et là, nous allons hisser et chauffer le ballon tel que l'ont fait nos ancêtres. Mais avec du gaz propane ou alors avec de la paille et puis de la laine? Alors, non, pas avec du gaz propane, ça serait un scandale. Avec, bien sûr, de la paille. On n'y ajoute pas de laine puisque ça n'avait pas grand intérêt pour nous. Puisque c'est l'air chaud qui est plus léger que l'air froid. Donc, on installe sur la place des Cordeliers, là où a eu le premier décollage, deux grands mâts qui sont reliés par une corde à laquelle est accroché le sommet de notre ballon, que l'on va donc élever en tirant sur les cordes au fur et à mesure que l'air chaud va pénétrer. Et quand l'enveloppe se gonfle, petit à petit, le sac prend forme, l'enveloppe se gonfle, les fuseaux se développent. Et quand la montgolfière est bien chaude, elle commence à tirer, à prendre son pouvoir ascensionnel. Donc les hommes autour tiennent un cercle qui permet de tenir le bas de la montgolfière. Et quand on estime que l'ascension est assez forte, c'est le fameux lâcher tout, on lâche et la montgolfière part... comme à l'époque, je pense, légèrement en travers, en fumant, et elle s'élève très vite. Oui, c'est un moment qui est vraiment émouvant, là. Voilà, notre voyage dans les airs et dans le temps s'achève. Nous sommes maintenant à la hauteur des cimes des arbres, et nous allons atterrir. On descend tout doucement. On se pose. On se pose, le pilote donne des petits coups de brûleur pour freiner sa vitesse. Il arrive à 2-3 mètres du sol. Il va va ouvrir son parachute pour que la nacelle se pose bien et ne bouge pas. Voilà, on est posé. On rebondit un peu. Ouais. Pour le freiner, il faut ouvrir le parachute pour que l'air chaud s'échappe du sommet du ballon et que le ballon redescende bien. Oui, Bruno, nous sommes posés à... À bord. À bord, nous sommes posés à bord à la propriété Tardy. Dites-moi, comment vous faites pour dégonfler votre ballon ? Alors, pour dégonfler le ballon, je tire sur cette corde rouge qui s'appelle la corde de soupape ou la corde de parachute. Oui. Donc, l'air chaud qui est emmagasiné sur le haut s'évacue et le ballon commence à descendre doucement. Il y a un équipier qui est à ce qu'on appelle la corde de couronne. Il le maintient dans l'axe et le ballon se couche, donc se vide de gaz. Et après, une fois qu'il est bien aplati, on commence à le brasser et on le remet dans son sac. On fait l'opération inverse par rapport au décollage. Quelle est la grandeur de ce ballon avec lequel on a volé ? Alors la grandeur de ce ballon, c'est un ballon tout à fait classique. Il fait 2200 mètres cubes et il fait 22 mètres de long. Les frères Montgolfier, avec la participation de Madame Marie-Hélène Reynaud et de Messieurs Xavier de Montgolfier, Pierre-Paul Cavata, Jacques Delaveau, auteur des livres « Croire et oser, début de l'aéronautique » et « Histoire des Montgolfières de 1783 à nos jours ». Reportage Jean-Claude Gian. Documentation « Les frères Montgolfier » de Marie-Hélène Reynaud aux éditions Plein Vent. Mixage, Simone Ronger et Gaspard de Besse. Réalisation Solange Janowska. C'était Chronique sauvage de Robert Arnoux.